إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 38 dans l'explication des fondements de la da'wa salafia. Et on parle aujourd'hui de mawani' al-takfir. Mawani' al-takfir, c'est-à-dire les choses qui empêchent qu'on puisse déclarer une personne comme étant mécréante. Hein? Et on a parlé depuis le début, donc on est toujours dans ce chapitre au sujet des néo-khawarij et pour réfuter les shubuhat des néo-khawarij. C'est le chapitre 8 dans le livre. Donc au dernier cours, on a expliqué les conditions de la ilaha illallah et on a expliqué nawaqid al-islam, les choses qui annulent l'islam et les conditions de la ilaha illallah. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va expliquer maintenant, comme on en avait parlé déjà, des choses qui empêchent qu'on puisse déclarer quelqu'un kafir. Les mawani', qu'est-ce qu'on appelle mawani'? Mawani', en arabe, c'est le pluriel du mot mani', qui veut dire un empêchement, ce qui empêche. Donc, le cheikh il dit « Inna ahl al-sunnati wal-jama'a » إذا إذ يبينون للناس خطورة الشرك والكفر وأنواعه ويدعون الناس إلى التوحيد وعبادة الله مع ذلك هم أرحم الناس بالناس فلا يكفرون المسلم الذي وقع في ناقد من هذه النواقد حتى تنتفي عنه الموانع وتقام عليه الحجة. Donc le cheikh il explique que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils expliquent aux gens le danger du shirk et du kufr et les différentes catégories du shirk et des différentes catégories de kufr et qu'ils appellent les gens au tawhid et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout ça, ils sont les gens qui sont les plus miséricordieux envers les gens. Ils sont les plus miséricordieux envers les gens. C'est-à-dire que, comme le cheikh l'explique, il dit, il ne déclare pas un musulman kafir parce qu'il est tombé dans une des choses qui annule l'islam de quelqu'un. Ils ne vont pas automatiquement le déclarer kafir parce qu'il a fait quelque chose qui annule l'islam de quelqu'un, mais ils vont vérifier jusqu'à ce qu'ils sont certains que les empêchements sont éliminés et qu'on a établi la preuve sur la personne qui a commis cet acte qui annule l'islam de cette personne. D'accord? Donc c'est pas automatiquement que quelqu'un a fait un acte parmi une chose qui annule l'islam de quelqu'un, automatiquement tu dis ça y est, cette personne elle est en dehors de l'islam. Non, il faut vérifier, est-ce qu'il y a des empêchements, est-ce qu'il y a des choses qui empêchent qu'on dise ça de cette personne, ou bien est-ce qu'il y a des conditions qui sont absentes. Donc dans ce cas-là, on doit s'abstenir d'établir ce verdict-là. Et on doit rappeler en même temps aussi par rapport à ça, qu'on avait expliqué aussi au dernier cours, que ce n'est pas n'importe quelle personne qui a le droit d'établir ce verdict, mais c'est des gens parmi les hommes de science qui sont fermement enracinés dans la science et qui connaissent bien les règles et les fondements de la charia. C'est eux qui ont le droit d'établir le verdict du takfir sur quelqu'un et non pas n'importe quel individu parmi le commun des musulmans qui décide de déclarer telle personne comme étant kafir ou non. Hein? Parce que sinon, si on ouvre la porte à tout le monde, eh bien c'est certain que ça va devenir un désastre et que ça va être un chaos. Tout le monde va vouloir déclarer n'importe quelle personne kafir sans science, sans connaissance, sans compréhension. Et puis, qu'est-ce qui arrive comme résultat de ça par la suite? C'est la fitna, comme qu'est-ce qui arrive maintenant dans plusieurs pays musulmans et dans différentes sociétés aussi. Donc, le cheikh, il dit, وَمِنْ هَذِهِ الْمَوَانِعَ الَّتِي تَمْنَعُ وُقُوعَ الْحُكْمِ عَلَى الْمُعَيِّنِ هِيَ الْجَهْلِ أَوَّلًا الْجَهْلِ. Donc, le cheikh, il a expliqué que il y a des choses qui empêchent qu'on établisse le verdict sur une personne en particulier. Parce qu'on a expliqué dans le cours précédent, pas le cours dernier, le cours d'avant, qu'il y a une différence entre le verdict général, de dire par exemple, celui qui égorge un animal, qui sacrifie un animal pour autre que Allah, il est kafir, ça c'est un hukum mutlaq, c'est un verdict qui est général. Mais quand tu veux l'appliquer sur un individu, hein, tu vois une personne qui égorge un animal à côté d'une tombe, pour établir ce verdict sur cette personne, hein, c'est pas automatique. Il faut vérifier que les conditions sont présentes et que les empêchements sont éliminés. Et, comme on a dit, il faut que ce soit une personne qui ait de la science qui établit ce verdict. Là, c'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a des choses, parfois les gens, ils peuvent arriver vite à la conclusion, puis ils se trompent. Donc, la première chose qui empêche qu'on puisse déclarer une personne kafir, c'est l'ignorance. Al-jahl. Donc, si une personne est ignorante, elle est excusée. Bien entendu, il y a des conditions, il y a des détails à ce sujet-là. On va lire ça dans les paroles des ulama aussi par la suite. وَدَلِيلُهُ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie celui qui a été guidé, il a uniquement été guidé pour lui-même. C'est-à-dire il a suivi la guidance, c'est uniquement pour lui-même. Et celui qui s'est égaré, il s'est égaré contre lui. Hein, c'est contre lui. Et nulle âme n'aura apporté le poids d'une autre, et nous n'allons pas châtier un peuple jusqu'à ce qu'on ait envoyé un messager. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc ça c'est le verset 15 dans sourate Al-Isra. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne clairement que tant qu'un peuple n'a pas reçu un messager, eh bien, ils ne vont pas être châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour expliquer que la condition de la science, c'est-à-dire la condition d'avoir la connaissance, d'avoir la science, c'est une condition. Et que si quelqu'un est ignorant, il n'a pas reçu le message, et donc il est excusé par son ignorance. L'autre exemple qui est mentionné, le verset 115, dans surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas égarer un peuple après qu'il les ait guidés jusqu'à ce qu'il leur clarifie ce qu'ils doivent craindre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes connaissant de toutes choses. Donc ça c'est à propos des preuves qui sont dans le Coran au sujet de cette condition-là et de cet empêchement. Ensuite, les preuves de la sunna. Parmi les preuves, le cheikh il mentionne un hadith. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خفتك فغفر له فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته وهذا كفر ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وفهم السلف لهذا وفهم السلف لهذه النصوص أن المسلم يعذر بالجهل وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين وراجع في ذلك كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام وكتابه الرد على البكري وراجع مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين وشرح كشف الشبهات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Donc le cheikh mentionne un hadith dans la Sunna qui prouve que parfois quelqu'un peut être excusé pour son ignorance. Et c'est le hadith qui est rapporté dans As-Sahihain al-Bukhari et Muslim, qu'un homme a dit à ses enfants lorsqu'il est mort, c'est-à-dire lorsque je vais, il a dit à ses enfants, lorsque je vais mourir, brûlez-moi, et prenez mes cendres et répandez-les, dans la mer, ou dans la rivière. Et il a dit par Allah, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala me prend, alors que j'ai commis des péchés et ainsi de suite, il va me châtier d'un châtiment qu'il ne châtiera personne d'autre comme de cette façon-là dans le monde entier ou dans tous les mondes. Donc il a eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a pensé qu'en se faisant brûler puis en se faisant répandre ses cendres, que Allah subhanahu wa ta'ala allait pas être capable de ramasser ses différentes cendre et de le faire revenir comme il était et de le recréer comme il était à la première fois pour le châtier. Alors lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé ses parties et qu'il l'a recréé tel qu'il était, il l'a ressuscité, il lui a posé la question: qu'est-ce qui t'a amené à agir de cette façon? Et il a dit: j'ai eu peur de toi. Il a dit: j'ai eu peur de toi, oh Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Et le cheikh dit ensuite, cet homme a douté de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a douté que Allah subhanahu wa ta'ala était capable de le faire revenir. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est kufr. De douter de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la mécréance. Mais étant donné que cet homme était ignorant, étant donné qu'il ne savait pas ça, il a été excusé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a pardonné. Et le cheikh, il dit que la compréhension des salafs de ces différents textes qu'on a mentionnés au sujet de l'excuse par rapport à l'ignorance qui est donnée aux musulmans, ça c'est quelque chose qui a été confirmé par Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et le cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, et le cheikh Ibn Abdul Aziz Ibn Baz, et le cheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, et le cheikh Muhammad Ibn Uthaymin, et beaucoup d'autres d'entre les ulama aussi. Et le cheikh, il dit, vous pouvez également retourner au Majmou' Fatawa, le recueil des fatawas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le volume 16, à la page 443, et le livre également, Ar-Raddu ala al-Bakri, la réfutation de Al-Bakri, qui était un soufi, c'était à la page 500. Et il a dit, et retournez aussi au Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Uthaymin et à son charh de son livre Kashf al-Shubuhat. Cheikh Ibn Uthaymin, il a écrit un charh du livre Kashf al-Shubuhat, et dans son charh, il a adressé la question de l'excuse par l'ignorance. À la fin, il y a une partie du livre où il parle de ce sujet-là et c'est vraiment détaillé et clarifié en détail. Donc c'est très important de le comprendre, ce sujet-là. Surtout qu'à notre époque, il y a beaucoup de gens qui émettent des choubouhats au sujet de cette question-là, parmi les gens de takfir et les takfiriens et les gens de khawarij. Donc, ils essaient de remettre en question cet exemple-là, ou cette question de l'ignorance. On va y revenir de toute façon dans les points plus suivants, Inch'Allah. Donc, la deuxième parmi les mawani', c'est, qu'est-ce qu'il a mentionné ici? Al-khata wal-nisyan wal-ikrah. Al-khata wal-nisyan wal-ikrah. C'est-à-dire l'erreur, l'oubli, et la contrainte. Donc, quelqu'un qui a prononcé une parole de kufr, ou bien qu'il a fait un acte de kufr par erreur. Ici, il voulait pas le faire, mais c'est arrivé par accident, ou bien par erreur. ou bien par oubli, hein, ou bien par contrainte. La personne, elle a été contrainte de faire ça. Donc, le cheikh, il explique maintenant ces trois points-là. Il dit, « Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين الشيخين لم يخرجاه وأورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين. Donc c'est un hadith apporté selon Ibn Abbas رضي الله عنهما. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que Allah سبحانه وتعالى il passe par-dessus l'erreur, l'oubli et les choses qui ont été faites sous la contrainte parmi les actes de la Ummah, les actions des gens de la Ummah. Ça, c'est une narration de ce hadith. Elle a été rapportée aussi dans, vous le retrouvez dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa al-nisyan wa mastukrihu alayhi. Donc, c'est un hadith qui montre que Allah, il pardonne l'oubli et l'erreur. Et qu'est-ce qui a été fait sous la contrainte. Et il y a un autre, même il y a un verset dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, yani, Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Ô notre Seigneur, ne nous tiens pas pour compte si yani, on a oublié ou si on a fait une erreur. Ça, c'est une invocation. Et dans un hadith qui est rapporté justement à propos de ce verset-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé cette invocation-là pour la Ummah. Donc, ça veut dire que les musulmans, lorsqu'ils font quelque chose sous la contrainte, ou bien par erreur, ou par oubli, ils sont pardonnés. Hein, ils sont excusés de ça. Donc, ça, c'est pour expliquer que si quelqu'un commet un acte de kufr ou de shirk sous la contrainte, par ignorance, sous la contrainte, et par oubli ou par erreur, ça c'est des choses qui empêchent qu'on applique sur lui le verdict du kufr. Hein? La troisième qui est mentionnée, c'est at-ta'wil. At-ta'wil, on peut dire que c'est comme si la personne elle a commis une erreur dans sa compréhension. Dans sa compréhension d'un hadith ou d'un verset. Hein? Et ça l'a, bon, elle a fait un acte qui est kufr ou shirk, mais elle a mal compris la chose, donc à cause de ça, elle a pensé que c'était pas interdit ou que c'était pas kufr ou shirk. Le cheikh, il mentionne, il dit, يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية والتكفير من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عرضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها. Donc, ça c'est une citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui explique ce point-là. Il dit donc dans Majmu' al-Fatawa, le volume 3, à la page 231, que le takfir, ça fait partie des menaces. Et que la personne, hein, peut-être qu'elle va démentir une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va soit traiter cette parole-là de mensonge, ou bien elle va la nier. Mais c'est possible que cette personne-là, elle soit un nouveau converti à l'islam. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il vient de se convertir, il entend un hadith, hein, peut-être il ne savait même pas que c'est un hadith, il a dit non, je ne crois pas en ça, ou il le rejette. Celui-là, il est excusé du fait qu'il est ignorant et vient de devenir musulman. Ou bien, quelqu'un qui est né et qui a grandi, il est allé dans le désert, ou bien dans la brousse, dans la campagne, loin des villes, il ne connaît pas le ilm, il n'a pas accès à la science, il n'a pas connu ces choses-là. Hein? Donc, le cheikh dit, ce genre de personnes-là, on ne peut pas les déclarer koufars jusqu'à ce qu'on ait établi sur eux la preuve. Et le cheikh dit, c'est possible que la personne, elle n'a pas entendu les hadiths. Ou bien elle l'a entendu, mais elle l'a entendu d'une manière qu'elle a cru que ce n'était pas authentique. Ou bien, il y a quelque chose qui est venu, s'opposer à cette parole-là chez lui, soit dans sa compréhension, il a compris incorrectement, ou des choses comme ça, du fait, et de ce fait, il a nié cette parole. Donc, c'est des exemples de choses qui peuvent être des excuses. Du fait que la personne, elle a compris de façon incorrecte la parole, donc il l'a nié. Ça, c'est des exemples qui font que la personne peut être excusée. Donc, le cheikh, il conclut, après avoir cité cette parole de Ibn Taymiyyah, il dit « Fala buddha li kulli muslimin au talib ilmin » أن يكون عنده علم بنواقض الإسلام وموانع التكفير حتى يكون على الصراط المستقيم بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة. Donc le cheikh il dit qu'il faut que chaque musulman ou chaque étudiant de sciences islamiques ait une connaissance des choses qui annulent l'islam et qu'il ait également une connaissance des choses qui empêchent qu'on déclare quelqu'un comme étant kafir, comme étant mécréant, jusqu'à ce que, pour qu'il soit sur le droit chemin, entre l'extrémisme des khawarij et la négligence et le laxisme des murji'a. Donc, pour être entre les deux extrêmes, pour ne pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Le cheikh dit, « Wa yaqul le cheikh l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, inna al-muta'awwila alladhi قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر. Donc ça c'est dans Minhaj al-Sunnah, le volume 5 à la page 239. Ibn Taymiyyah il dit, la personne qui a mal interprété ou mal compris une parole puis qui son intention c'est de suivre le messager صلى الله عليه وسلم, celui-là il n'est pas kafir, il rentre pas dans le coffre. ensuite on a, donc là, maintenant on a terminé de parler des mawani'a. Les mawani'a du takfir, on a parlé de ça. On a mentionné 5. Al-jahl, al-nisyan, al-khata, al-nisyan, et al-ikrah, et al-ta'wil. Donc, ces choses-là, ça fait que quelqu'un peut être excusé. Et que c'est pour ça qu'il faut établir la preuve contre la personne avant de le déclarer kafir. On ne peut pas juste le déclarer kafir automatique comme certaines personnes le font aujourd'hui. Allah al-Musta'an. Et encore une fois, je rappelle que ça, c'est une chose qui s'applique par les ulamas de l'islam, pas par n'importe qui. Et je rappelle aussi qu'il faut distinguer entre le verdict général et le verdict spécifique. Une fois, il y a une personne qui a pris une parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet du takfir des dirigeants qui font le jugement par autre que la loi d'Allah. Et qui ont dit que le Cheikh Al-Fawzan, il veut, par ces paroles-là, déclarer kuffar les dirigeants des pays du Golfe. Alors, il y a un des élèves de Cheikh Al-Fawzan qui est allé voir Cheikh Al-Fawzan et lui a posé la question. Et il a enregistré la question et la réponse. Et elle est disponible sur Internet. Et peut-être que certains d'entre vous l'avez entendu, d'autres peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Mais quand la personne a mentionné cette parole à Cheikh Saleh Al-Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a rigolé. Il s'est moqué de cette parole en voulant dire comme si la personne qui pensait qu'il déclarait les dirigeants du Golfe Koufar, en se basant sur le hukum qui est mutlaq, à propos du fait de juger par autre que la loi d'Allah. Et il a répondu, il a dit non. Il a dit ça, c'est un verdict général. Pour appliquer ce verdict sur des individus, il faut qu'on ait établi la preuve et qu'il y ait des... il faut vérifier qu'il y ait les empêchements qui sont éliminés et que les conditions sont présentes. C'est pas juste comme ça. Parce que c'est ce qui se passe souvent de la part des takfiriyin. Il cherche des citations de certains ulama pour justifier le takfir des dirigeants. Puis quand il tombe sur une parole générale qui déclare, par exemple, tel ou tel hukum, eux, ils font la déduction et le verdict par eux-mêmes, à partir du verdict qui est mutlaq, ou qui est général. Mais tu ne peux pas prendre le hukum qui est mutlaq et l'appliquer sur des individus avant d'avoir vérifié les conditions, éliminé les empêchements et établir la preuve sur cette personne. Ça, c'est quelque chose qui est très important de le comprendre et qui protège quelqu'un de tomber dans l'extrémisme des takfiriyins et des khawarij à notre époque. Non. Eh non. Exactement. Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui prennent des citations à gauche et à droite. Hein? Il y en a qui disent, il y en a qui, même qui ont menti contre Cheikh Al-Fawzan, qui ont dit, Cheikh Al-Fawzan, il fait pas, il détaille pas dans la question de hukum bi ghayr ma anzalallah. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, ils lui ont posé la question. Cheikh, il y a des gens qui disent que vous détaillez pas dans les questions de hukum bi ghayr ma anzalallah. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire dans les choses qui ont rapport au fait de juger par autre que la loi d'Allah. Est-ce que c'est vrai? Et Cheikh Al-Fawzan, il a répondu lui-même. Il a dit, c'est pas vrai. Moi, je détaille de la même manière que les autres ulama. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, je détaille à ce sujet-là de la même manière que les autres ulama. Hein? Et on va lire des fatwas sur ça, puisqu'il y a des fatwas de l'Ajnat al-Da'ima qui sont mentionnés par la suite à ce sujet de Hukum bi ghayr ma anzalallah. Donc on va l'expliquer. Puis à l'époque, si je ne me trompe pas, Yanni Cheikh Al-Fawzan faisait partie de l'Ajnat al-Da'ima. Il fait encore partie de l'Ajnat al-Da'ima. Et ces fatwas ont été émises par l'Ajnat al-Da'ima à l'époque de Cheikh Ibn Baz. Hein? Donc c'est clair, ces questions-là. La position des ulama salafiyin et des ulama d'Ahl al-Sunnah à ce sujet-là, elle a toujours été la même. Elle a toujours été claire. Sauf que les gens ont vu apparaître cette question-là à notre époque comme si c'était nouveau, alors que ça a toujours été présent dans les livres de tafsir, dans les livres de fiqh et dans les livres de aqidah. Ces questions-là ont toujours été présentes. Sauf que ceux qui ne sont pas des tulab ilm ou ceux qui ne sont pas des ulama, peut-être qu'ils n'ont pas entendu ces choses-là avant. Et lorsque cette fitna est apparue, du takfir et tout, les gens ont été pris par surprise, ils étaient remplis de shubuhat, parce qu'ils n'ont pas étudié ces questions-là avec les ulama qui sont sur la sunna. Bon, maintenant on va parler de la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a au sujet des dirigeants injustes. Au sujet des dirigeants injustes. شيخ الزي وعقيدة أهل السنة والجماعة في الحكام والسلاطين الظلمة قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جورا فجرا ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. Donc ça c'est tiré du livre عقيدة السلف وأصحاب الحديث de l'imam الصابوني. L'imam al-Sabouni, c'est un des imams parmi les imams des salafs qui a vécu au 5e siècle. Donc, qu'est-ce qu'il dit, l'imam al-Sabouni, rahimahullah? Il dit que les gens du hadith, ils voient ou ils considèrent que il faut prier le Jumu'ah et les deux prières d'Aïd et ainsi que les autres prières obligatoires derrière l'imam. Qu'il soit derrière l'imam musulman, qu'il soit pieux ou pervers. C'est-à-dire que, à l'époque, les dirigeants, c'est eux qui dirigeaient la prière en jama'a. c'est eux qui dirigeaient la prière de Eid, c'est eux qui dirigeaient la prière de Jumu'ah. C'est les dirigeants et les responsables. C'est eux qui faisaient ça. Donc, l'imam As-Sabouni, il dit que les gens du hadith, ils considèrent que le musulman doit faire, et les gens du hadith, ils font la prière de Jumu'ah et de Eid, ainsi que les autres salawat, derrière tout dirigeant musulman, qu'il soit pieux ou pervers, ou désobéissant ou pécheur. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la distinction entre un dirigeant qui est pécheur ou qui est pieux dans le fait de devoir prier derrière lui. Parce que les takfiriens et les khawarij, ils ont contredit les gens du hadith à ce sujet-là. Et ils disent, nous on ne prie pas derrière un dirigeant s'il fait des péchés ou s'il est injuste. On prie seulement derrière un dirigeant s'il est pieux. Et ils ont contredit les gens du hadith et les gens d'Ahlus Sunnah, et ils ont contredit les salafs à ce sujet-là. D'accord? Et ça, c'est une chose qui est répétée dans tous les livres des Aqidah des salafs. Des livres de la Aqidah des salafs. Tous les imams des salafs ont mentionné ce point-là. Sans exception, tu le retrouves dans leurs livres. L'imam Ahmad, il l'a mentionné. L'imam As-Sabouni, il le mentionne. L'imam Al-Barbahari, il le mentionne. Et plein d'autres imams parmi les imams d'Ahl Sunnah, ils mentionnent ce point-là. D'accord? Et il dit aussi, وَيَرَوْنَ الْجِهَادِ وَيَرَوْنَ جِهَادَ الْكَفَرَ مَعَهُمْ وَإِنْ كَانُوا جَوَرَ فَجَرَ. C'est-à-dire que même si ce dirigeant-là, c'est un injuste et un pécheur, il considère que tu es obligé de faire le djihad derrière lui. S'il appelle les musulmans à combattre contre les kuffars, à faire le djihad, on est obligé de sortir avec lui. On ne peut pas dire non, ce n'est pas un bon musulman, on ne veut pas partir derrière lui. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق وبسط العدل في الرعية. Donc les gens du hadith, c'est un synonyme pour les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Des fois on peut dire Ahlul Hadith, on peut dire Ahlus Sunnah wal Jama'a, on peut dire As-Salafiyoun, on peut dire Ahlul Athar, on peut dire Al-Firqatul Najia, on peut dire Al-Ta'ifatul Mansoura. Tout ça, ce sont des synonymes pour désigner le même groupe, c'est-à-dire les gens qui sont sur le haqq, qui s'accrochent au Coran, qui s'accrochent à la sunna et qui s'écartent des innovations et des bid'ahs et des sectes. Donc, les gens de la sunna, les gens du hadith, ils considèrent qu'ils doivent faire le dua pour les dirigeants, pour qu'ils soient réformés, pour qu'ils deviennent meilleurs, pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le succès et pour qu'ils établissent la justice parmi les habitants et les musulmans en général, parmi les citoyens. Donc, ça c'est très important parce qu'à notre époque, on voit que les gens de bid'ah et les ignorants et les khawarij, ils font le contraire de ce que les gens du hadith enseignent. Ils font des du'as contre les dirigeants injustes ou contre les dirigeants qui font des péchés. Alors que la voix des gens du hadith et les gens qui suivent la voie des salafs, c'est de faire des du'as pour les dirigeants, pour qu'ils deviennent meilleurs, pour qu'ils deviennent justes, pour qu'ils deviennent plus justes, ou bien pour qu'ils aient le tawfiq, pour établir la justice, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre exemple. Ensuite, il dit, « وَلَا يَرَوْنَا الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ وَإِنْ رَعُوا مِنْهُمْ الْعُدُولِ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَالْحَيْفِ. » C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait de se révolter contre eux ou de se rebeller contre eux avec l'épée, même s'ils voient de leur part du fait qu'ils dévient de la justice vers l'injustice et l'oppression. C'est-à-dire que tu vois que ces dirigeants-là, ils vont faire de l'injustice, ils vont faire de la tyrannie, ils vont faire oppresser ou opprimer plutôt la population, eh bien, on n'a pas le droit de se révolter contre eux ou de se rebeller contre eux ou de prendre les armes contre les dirigeants, parce que ça, c'est quelque chose qui est interdit dans le Coran, dans la Sunna et dans les paroles, les jma'a des salafs. Ils ont tous confirmé ce principe-là. Et l'imam Ahmad et l'imam al-Barbahari et les autres imams de la Sunna, ils ont mentionné que celui qui fait ça, celui qui prend les armes contre le dirigeant injuste, il est parmi les Khawarij. Il est parmi les Khawarij. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. C'est-à-dire que les gens du hadith, ils considèrent qu'il faut s'allier avec le dirigeant contre un groupe qui veut se rebeller. Il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'obéissance du dirigeant. Hein? C'est-à-dire que s'il y a un groupe qui veut faire une révolte ou une rébellion ou combattre le dirigeant ou le gouvernement, eh bien, on doit se mettre du côté du dirigeant pour arrêter cette révolte et cette rébellion. Cheikh il dit ensuite: ولكن بضوابط ذكرها أهل العلم منها. Ici il y a un point. Le Cheikh il va mentionner des exceptions à ça puis des conditions par rapport à cette exception-là. Et le Cheikh Salih al-Suhaymi, il dit en note de bas de page, il dit وقال الشيخ صالح السحيمي معقبا على هذه الضوابط مع التأكيد على ما ذكرت مسبقا. Donc c'est ça ce qu'il a dit. Cheikh Salih al-Fawzan, il a mis une note, il a dit مع التأكيد على ما ذكرت مسبقا وهو الرجوع في هذا إلى العلماء. Donc il a dit les règles et les conditions que tu mentionnes, ça c'est bien entendu en confirmant ou en insistant sur le fait, comme tu as mentionné précédemment, qu'il faut retourner aux ulama dans ces choses-là. C'est pas n'importe qui juge de lui-même au sujet de ces choses-là. Premièrement, parmi les règles et les principes à prendre en considération lorsqu'il y a un dirigeant, par exemple, qui a fait un acte kufr, c'est ça que le cheikh il mentionne ici. Il dit أولاً إذا رأى المسلمون من الوالي كفرا بواحا لحديث جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثانيا القدرة على إزالته. فالقدرة شرط في إزالة ولاة الأمور. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن كنا قادرين نخرج وإن كنا غير قادرين فلا نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. Donc le cheikh il explique premièrement que si on voit de la part d'un dirigeant musulman, si les musulmans voient de la part d'un dirigeant un acte de kufr clair, ça c'est une exception par rapport à ce qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est basé sur le hadith de Junada ibn Abi Umayya. Il dit nous sommes entrés chez Ubadat ibn Samit alors qu'il était malade, et on lui a demandé donne-nous un hadith ou mentionne-nous un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse ou bien te réforme. Donne-nous un hadith par lequel Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire un bienfait lorsqu'on va l'entendre. Un hadith que tu as entendu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont rentrés chez Ubadat ibn Samit. Ubadat ibn Samit, il est malade. Ils lui disent mentionne-nous un hadith que tu as entendu de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire un bien quelconque. Et puis ils font un dua pour lui en disant Aslahak Allah. Donc ça c'est l'exemple comment les les salafs, ils se visitaient les uns les autres, et même des moments de maladie, des moments que quelqu'un était malade dans son lit, hein, ils en profitaient quand même pour demander des questions sur l'ilm et demander des hadiths. Hein. Et Ubadat ibn Samit, il a répondu. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et on lui a donné l'allégeance, on lui a donné une bay'a. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et parmi les clauses de cette allégeance, hein, parce que quand on prend une allégeance avec un dirigeant, ou bien dans le cas ici avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait une allégeance, c'est-à-dire on fait, c'est comme si on prenait un serment, hein. Donc on met notre main sur la main de la personne, puis on va mentionner des clauses. Le dirigeant, il mentionne des clauses, des choses sur lesquelles on doit respecter dans cette allégeance-là. C'est comme un serment. Alors, parmi les clauses de cette allégeance, il y a qu'il devait écouter et obéir. Il devait écouter et obéir dans les moments où les gens sont motivés et dans les moments où les gens sont, hein, ils sont, disons, ils font quelque chose qui leur déplaît. Si on leur demande quelque chose qu'ils aiment faire ou qui leur déplaît. Dans les moments de difficulté comme dans les moments de facilité. Et même si c'est à leur dépens, c'est-à-dire même si ces dirigeants-là vont demander quelque chose, ou bien ils vont prendre des privilèges au dépens du reste des autres musulmans ou de la population. Et comme Cheikh Al-Wassabi, dans un dars qu'il a donné dernièrement, il a lu plus que 100 hadiths sur l'obligation d'obéir aux dirigeants, hein, injustes. Plus que 100 hadiths. Il y en a 104 hadiths sur ce sujet-là. Il les a rassemblés. Et quand il lisait ce hadith, il a dit que, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il ne va pas prendre des privilèges sur les gens. Il ne va pas faire de l'injustice de la part. Il ne va pas faire de l'injustice contre les gens. Mais ça, il disait ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais il disait ça pour qu'on ait un exemple pour les dirigeants qui vont venir dans le futur, hein, dans le sens qu'il va y avoir des dirigeants qui vont arriver dans le futur, qui vont parfois faire ce genre d'injustice, ou bien qui vont se donner des privilèges, hein, comme certains aujourd'hui, tu vois, qui voulaient justifier certaines révoltes, ou certaines rébellions, ou certaines manifestations dans les pays arabes maintenant. Ils disaient, oui, mais un tel dirigeant, il a volé je sais pas combien de millions, il a fait ci, il a fait ça. Et c'est incroyable parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il a dit, ils vont faire ça. Vous allez avoir des dirigeants et ils vont faire ça. C'est-à-dire, ils vont se prendre tous les privilèges de la dunya, ils vont pas vous donner votre droit. Hein? Donc, eux, ils disent, non, mais eux, ils font de l'injustice, ils nous donnent pas nos droits et puis ils prennent tout l'argent pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il y a des dirigeants qui vont arriver dans le futur, ils vont faire ça. Écoutez et obéissez. Même s'ils frappent votre dos, même s'ils prennent vos biens. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils se plaignent de choses que ces dirigeants-là font, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti la Ummah que ces dirigeants-là allaient faire ces choses-là, et que lorsqu'ils allaient faire ces choses-là, de pas désobéir et de pas cesser d'écouter et obéir dans le bien. Et les gens, c'est comme s'ils ont même pas entendu le hadith. Hein? Comme le cheikh Al-Wassab, il disait, subhanallah, les gens, aujourd'hui, c'est l'ignorance. Ils ont pas entendu les hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, cheikh Al-Wassab, il disait aussi, il dit, c'est pas des fois, c'est pas des khawarij, c'est juste des awam, des gens, des musulmans du commun, d'entre les communs. Hein? Ils sont ignorants des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent en contradiction directe avec ce qui est mentionné dans les hadiths. Puis, ensuite, il dit, et qu'on ne va pas disputer aux dirigeants le commandement. On ne va pas leur disputer le commandement à ceux qui le détiennent. Et il a dit après, excepté si vous voyez un kouf qui est bawah, c'est-à-dire qui est clair comme le soleil, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah, une preuve claire et évidente, burhan, hein, à son sujet. Donc, ça c'est l'exception à la règle. Et qui détermine cette exception-là? C'est-à-dire, qui va déterminer qu'il y a un kouf qui est bawah? C'est les ulama. C'est les ulama qui vont décider et qui vont dire ça. Hein, et qui vont établir ce verdict-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui à Lamstein, ils pensent qu'ils font, ils peuvent faire le verdict tout seuls, eux-mêmes, sans retourner aux ulama de l'islam. Et il y en a même qui vont qui n'ont pas confiance aux ulama, qui doutent en la sincérité des ulama, hein, et qui se permettent par la suite de dire il n'y a plus d'ulama, donc on fait nous-mêmes notre verdict, on est, c'est nous les ulama, hein, a'udhu billah, hein. Pourquoi ils ne veulent pas écouter les ulama? Parce que les ulama ne disent pas qu'est-ce qu'eux ils veulent entendre. Donc, puisqu'ils n'entendent pas qu'est-ce qu'ils veulent entendre dans leur, selon leur passion, ils n'entendent pas les ulama dire ça, alors ils essaient de discréditer les ulama et de dénigrer les ulama, puis eux, ils se pensent, se déclarent eux-mêmes les ulama par la suite, pour être capables de faire leur propre verdict, puis d'établir leur passion par la suite. Hein? L'Amstein. Ensuite, le point numéro 2, c'est d'avoir la capacité de l'enlever. Et ça, c'est une condition. C'est-à-dire, si tu veux retirer ce dirigeant du pouvoir alors qu'il a commis un kouf clair, eh bien, il faut avoir la capacité de le faire. Si tu n'as pas la capacité, dans ce cas-là, c'est interdit. Parce que si tu n'as pas la capacité, il y aura des conséquences plus graves au fait de laisser ce dirigeant-là au pouvoir. Toi, tu veux enlever ce dirigeant-là du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a commis un acte de kouf qui est majeur et qu'il fait du désordre. Sauf que quand tu vas l'enlever, ça va amener d'autres problèmes et d'autres désordres qui sont plus grands encore que lorsque le dirigeant il est présent. Ce dirigeant mécréant-là, il est au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y aura, disons qu'il y aura du sang, des civils qui vont couler, des innocents, hein, et ça c'est interdit dans l'islam. Il y aura une perte de sécurité dans la société, c'est-à-dire il n'y aura plus de sécurité du tout, hein, puisqu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de gouvernement, donc ça va être la loi de la jungle, hein, les forts vont manger les faibles, hein, et personne n'aura de sécurité s'il sort dehors, il ne sait pas s'il va revenir. Parce que n'importe qui peut tuer n'importe qui. Hein? Personne ne va avoir de sécurité par rapport à ses biens. Quelqu'un, n'importe qui peut rentrer chez lui, prendre ce qu'il veut. S'il sort dehors, hein, il peut perdre tout ce qu'il a. Puis quelqu'un peut le prendre sans que quoi que ce soit arrive. Hein? Ça, c'est juste quelques exemples. Puis la destruction, hein, du pays et tout ce qui est sécurité. Même tes déchets. Même tes déchets que tu jettes, hein, devant chez toi quand tu as terminé de manger ou des choses comme ça, tu veux jeter tes déchets dans la poubelle, il n'y a personne qui vient les ramasser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rues deviennent comme des dépotoirs. Hein, une saleté dans la rue, les mauvaises odeurs, hein, les maladies par la suite. Tout ça à cause du désordre, à cause de la désobéissance du dirigeant. Est-ce que ça c'est un plus grand bien ou bien le fait de laisser cet individu-là au pouvoir puis d'attendre et de patienter et demander l'aide d'Allah, hein? Donc les gens ils réfléchissent pas, Yann. Pas juste ça, pas juste ta personne, pas juste tes biens, peut-être même ton honneur va être sali. Ta femme elle peut pas sortir, ta fille elle peut pas sortir. Du moment qu'elle sort, peut-être un homme la prend puis la viole. Hein? Et personne ne va rien dire, personne ne va rien faire parce que c'est le chaos dans la société. Ton honneur, il est sali maintenant. Ça, c'est juste des exemples. Tout ça à cause que toi, tu voulais enlever du pouvoir un individu Regarde toutes les conséquences maintenant. Donc les gens ils réfléchissent pas à ça. Et le malheur aussi à ce sujet-là, c'est que les gens maintenant ils disent ah ça c'est le dirigeant qui fait ça. Pourquoi il fait ça? Parce que vous avez été les causes. Et lui il a juste réagi. Et là maintenant vous payez les conséquences. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il y a un malheur qui tombe sur vous, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Hein? Si tu marches dans la rue, et tu vois un homme qui mesure 7 pieds, 6 pieds, qui est musclé, costaud, fort, et qui a des armes sur lui, et toi t'as rien, et t'es mec, t'es petit, et t'as aucune arme pour te défendre, est-ce que tu vas aller l'insulter? Est-ce que tu vas aller le provoquer? Non. Et si tu t'en vas le provoquer, puis après il te frappe, et qu'après il t'arrive quelque chose, est-ce que c'est pas de ta faute? C'est ta faute. Parce que t'as provoqué quelqu'un alors que tu sais que t'es pas apte à le faire. Et que t'as pas de moyen même de te défendre ou de te protéger. Donc ça, c'est pas logique d'agir comme ça. Et l'islam nous interdit d'agir d'une manière stupide. Le musulman, il n'a pas le droit d'agir stupidement ou d'être stupide. Hein? Et d'agir de façon irréfléchie. Hein? Allez, le musulman, il doit être intelligent. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laissa al-mu'minu bi-im'a. Le musulman, il ne doit pas être naïf, faible d'esprit. Puis, il ne doit pas non plus aussi être يعني, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yuldaru al-muslimu min juhrin marratayn ay na'am, c'est-à-dire un musulman il ne doit pas se faire mordre deux fois par le même trou. Hein? Donc ça veut dire t'es arrivé une fois quelque chose, prends une leçon de ça. Et des fois c'est pas nécessaire que ça t'arrive à toi, si tu vois que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, prends la leçon de ça. Hein? Man wa'idha bi ghayrihi. Hein? Heureux celui qui a pris une leçon de qu'est-ce qui est arrivé à l'autre. C'est pas obligé que ça t'arrive à toi. Hein? Donc ça c'est des exemples. Donc c'est ça que le cheikh il mentionne la capacité. Et cheikh Ibn Uthaymin il dit si on a la capacité, dans ce cas-là, on peut sortir contre et se rebeller contre ce dirigeant-là pour l'enlever et le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais si on n'est pas capable, alors on ne doit pas sortir. Parce que toutes les obligations de la charia sont conditionnées par la capacité. C'est-à-dire que toutes les règles de l'islam, toutes les applications, toutes les obligations dans l'islam sont reliées à la condition d'être capable de le faire. Par exemple, prier. Si tu n'es pas capable de prier debout, ce n'est pas obligatoire, tu peux prier assis. Si tu n'es pas capable de prier assis, tu peux prier couché. Donc, la capacité de faire quelque chose, c'est une condition pour que la chose soit obligatoire dans la charia. Que ce soit dans les questions de combat ou de djihad ou autre, ou dans les questions des autres ibadat dans la religion aussi. Et dans l'autre, dans tous les aspects de la religion aussi. Et aussi, parmi les conditions, c'est qu'est-ce qu'on voit dans le point numéro 3. Allah yatarattab ala al-khuruj sharrun wa fasadun a'zamu min wujudi hadha al-hakim al-kafir. يقول الشيخ الإسلام لعله لا تعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. Ça c'est une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. La troisième condition, c'est comme on l'a dit, ça, c'est relié avec qu'est-ce que j'ai mentionné à propos de la capacité. Aussi, ça vient par rapport à qu'est-ce que j'ai mentionné par la suite des conséquences. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas des conséquences à cette révolte ou cette rébellion, un mal qui est plus grand que la présence de ce dirigeant mécréant là. Hein? Et à propos de ça aussi, il y a un cheikh qui mentionnait par rapport à ça que qu'est-ce qu'on voit par exemple dans qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes aujourd'hui. Parmi les exemples de ça, c'est que si tu vas changer ce dirigeant là, ça veut dire que tu dois le changer par un dirigeant qui va être meilleur que lui. Hein? C'est-à-dire que il faut que tu sois certain que ce dirigeant-là, si tu vas le changer, ça va être quelqu'un qui va être meilleur que lui. C'est-à-dire que quand il va venir au pouvoir, il va appliquer la charia d'Allah. Hein? Et il va juger selon le Coran et la Sunna. Il va établir la justice. Mais c'est pas que tu vas le changer par un autre qui va ramener la même chose. Il va juger par la démocratie, il va juger par la laïcité, il va juger par le socialisme ou d'autres systèmes de kufr. Hein? Donc c'est ça qui est incroyable avec les gens aujourd'hui. Ils disent, nous, on se révolte contre le dirigeant et on veut le remplacer parce que lui, il fait de l'injustice, il fait ci, il fait ça. Il ramène un autre qui va faire la même chose que lui. Lui aussi, il va juger par la démocratie. Et même le peuple, ils sont en train d'appeler aux gens, dire, on veut la démocratie, on veut la liberté, on veut ci, on veut ça. Donc c'est comme si en même temps, ils sont en train de dire, on veut le changer, mais on va changer par quelqu'un qui est comme lui. Peut-être même qu'il va être pire. Peut-être qu'il va être pire. Hein? Donc, c'est ça le malheur de certains de ces gens-là. Et puis, il y en a des takfiriens, tu les vois aujourd'hui, ils disent, ah non, ce dirigeant, c'est un tarot, il faut l'enlever et tout. Et puis, ceux qui sont en train de les remplacer, c'est tous des gens qui sont pareils ou pires. Alors, où est-ce qu'il est le bien de supporter ou de défendre ces soi-disant révoltes? Hein? Ça, c'est des exemples de contradiction de la part de ces individus-là. Donc, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on peut pas trouver parmi les groupes qui sont sortis contre un dirigeant, excepté que il y a eu dans leur révolte et dans leur rébellion plus de désordre que le mal qu'ils voulaient enlever. Il y a eu plus de désordre et de corruption dans leur révolte que dans le mal qui était déjà là présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sortant ou en se révoltant contre ce dirigeant-là, ils n'ont pas diminué le mal, ils n'ont pas enlevé le mal, ils l'ont empiré, ils l'ont aggravé. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Même dans les règles de qu'est-ce qu'on appelle l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est-à-dire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Les ulama ils disent que si tu penses qu'en enlevant un mal ou en changeant un mal, tu vas ramener un mal plus grand, alors dans ce cas-là, c'est interdit de l'enlever. Donc ça, si ça s'applique à ça, ça s'applique à qu'est-ce qui est plus grand encore plus. يقول الشيخ ابن باز أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه. Donc ça c'est une parole de Cheikh Ibn Baz dans son Majmu' Fatawa, le volume 8 à la page 203. Cheikh Ibn Baz il dit quoi? Il dit si ils n'ont pas la force, alors ils ne doivent pas sortir. Ou si en sortant contre ce dirigeant-là, ils vont ramener un mal plus grand, alors ils ne doivent pas sortir contre ce dirigeant-là. Pourquoi? Pour tenir compte de l'intérêt général et par rapport à la règle de la charia sur laquelle il y a un consensus sur cette règle, c'est-à-dire il n'est pas permis d'enlever un mal par ce qui est plus mal encore. Donc le cheikh dit, يقول الشيخ ابن عثيمين ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه لأننا لو خرجنا ثم ظهرت العزة له صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل وإلى أن يقترن الشرع بالعقل وأن تبعد العاطفة فنحن محتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلكة. Donc ça c'est la parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Il dit dans Bab al-Maftouh, c'est une fatwa qu'il a donnée, c'est le volume 3, page 126, il dit, et si on sort, et si que lorsqu'on sort contre ce dirigeant-là qui a mécru, qui a fait un kufr, qui est clair, que les ulama ont dit oui, il est kafir et ainsi de suite, et que ça va amener des conséquences plus grandes, des conséquences négatives plus grandes, que si cet homme-là reste au pouvoir, alors, dans ce cas-là, il ne faut pas sortir. Il dit, parce que si on sort contre lui, supposons qu'il est kafir, les ulama ont dit, oui, il est kafir, et qu'eux, ils se préparent et ils sortent contre ce dirigeant-là, ils se révoltent contre lui, puis qu'ils ne réussissent pas à l'enlever, puis que ce dirigeant-là, il reprend le pouvoir et le contrôle. Et là, déjà, ils avaient des difficultés, ils se plaignaient, ils trouvaient que ce dirigeant-là était Dieu contre eux, et ils avaient de la difficulté. Là, maintenant qu'il a repris le pouvoir et qu'il a vu que ces gens-là ont essayé de l'enlever, il va être encore plus dur contre eux, et les gens vont être encore plus rabaissés et humiliés, et lui, il va transgresser encore plus dans sa mécréance. Donc ça, c'est quelque chose qui veut dire que ça nécessite de notre part de faire preuve de logique, de raison, de réfléchir. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut en même temps rassembler comprendre la charia et la révélation, la religion, et aussi de comprendre ça aussi avec notre logique, de comprendre les aspects de qu'est-ce qui a rapport avec ces questions-là, pour éviter de s'égarer. Et le cheikh, il dit, et aussi de repousser les émotions et les émotions et les sentiments. Pourquoi? Parce que c'est ça souvent qui fait tomber les gens dans l'égarement au sujet de ces affaires-là. Les gens, ils rentrent là-dedans avec leurs émotions. Et tu le vois, tu le sens quand ils parlent. Donc le cheikh, il dit donc qu'il faut avoir la raison, il faut avoir il faut revenir à la charia pour comprendre les règles, pour pas qu'on se laisse aller derrière les émotions qui nous amènent à notre perte. Parce que si tu suis juste les discours émotifs de certains qui parlent de ces sujets-là, tu vas t'égarer, tu vas te perdre. Donc ça, c'est très important. Donc là, on a parlé de ce sujet-là. Qui ont rapport avec le fait de sortir contre un dirigeant qui est kafir et dont les ulama ont dit à son sujet qu'il est mécréant avec certitude. Comme c'est arrivé par exemple dans certains pays, les ulama ont dit à propos d'un dirigeant quelconque que lui il était mécréant. Tout le monde est d'accord que ce dirigeant-là il est mécréant. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de se rebeller contre lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres points à prendre en considération. Il y a d'autres conditions à prendre en considération dans ce sujet-là. C'est pas automatiquement, ah oui, il est kafir, ça veut dire on a le droit. Non. On est des musulmans, on n'est pas des socialistes, on n'est pas des communistes, on n'est pas des démocrates ou des laïcs qui permettent toute forme de rébellion, comme certains kuffars qui disaient, by any means necessary. By any means necessary. Souvent, vous allez voir, par exemple, cette affiche de Malcolm X, avec son fusil, il regarde par la fenêtre et c'est écrit sur le côté by any means necessary ou by all means necessary. Ça veut dire par tous les moyens nécessaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin justifie les moyens. Tu veux arriver à ta fin, donc tout est permis pour y arriver. Et ça, c'est le slogan des communistes et des socialistes. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de limite. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à ton but? Et il y a certains groupes parmi les gens qui prétendent appeler à l'islam ou qui prétendent appeler à la charia, ils ont copié ce principe-là de ces gens-là, des kuffars. Et ils pensent que tous les moyens sont bons pour arriver à l'application de l'islam ou de la charia. Donc, ils vont même faire des choses haram et contredire le Coran et la Sunna dans le but d'arriver à appliquer soi-disant qu'est-ce qu'ils veulent parmi les explications de l'islam ou de la charia. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Parce que dans l'islam, ce n'est pas seulement l'objectif qui doit être bon et qui doit être permis, mais aussi les moyens qu'on utilise pour arriver à cet objectif-là doivent être en accord avec la charia. Sinon, ce n'est pas permis. Ensuite, le cheikh, il parle maintenant d'une autre question qui a rapport avec al-hukum bighayri ma anzala Allah. Donc, on va lire ça rapidement, inshallah, pour comprendre les principes. Parce qu'en principe, de façon générale, on est tous supposés de connaître ça parce qu'on en a déjà parlé. C'est que, on sait que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, quand il y a quelque chose qui a rapport avec le fait de juger par autre que la loi d'Allah, c'est soit que la personne, elle croit que la loi fabriquée par l'homme, elle est meilleure que la loi d'Allah. Dans ce cas-là, c'est un kufr akbar, la personne elle sort de l'islam. Soit qu'elle ne croit pas nécessairement que c'est meilleur, mais elle croit que c'est la même chose, pareil. C'est-à-dire les lois faites par l'homme sont équivalentes à celles des lois d'Allah. Ça aussi, c'est kufr. Ça fait sortir de l'islam. Parce que tu mets la parole d'Allah à équivalente avec la parole des hommes, ou la loi des hommes. Donc ça, c'est kufr akbar qui fait sortir de l'islam. Et le troisième exemple, quelqu'un il dit, non c'est pas meilleur que la loi d'Allah, c'est pas équivalent à la loi d'Allah, mais on a le droit, c'est permis de juger par une autre loi que la loi d'Allah. Yani yastahil, il le rend halal, il le permet. Ça aussi c'est un kufr akbar qui fait sortir de l'islam. D'accord? Puis il y a la catégorie qui est un kufr, mais qui est un kufr mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est lorsque quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah parce qu'il suit sa passion, tout en reconnaissant que ce qu'il fait est un péché. Celui-là, il ne sort pas de l'islam. D'accord? Donc ça, c'est les quatre exemples que les ulama ils mentionnent en général dans les fatawas et dans les livres à ce sujet-là. Donc si vous comprenez ces quatre catégories-là, eh bien, vous avez compris la question. En principe, vous devriez comprendre le sujet. Hein, Hassan? Nous, dans notre croyance, dans notre cœur, hein, c'est obligatoire pour nous de croire que la loi d'Allah, elle est supérieure à toute autre loi, peu importe de qui elle vient, peu importe qui l'a écrit, qui l'a faite, peu importe quel pays. Et c'est pas juste les lois faites par les hommes, comme on connaît par exemple dans les pays. C'est aussi les traditions et les coutumes. Si par exemple quelqu'un, il juge par ses traditions et ses coutumes dans son pays, parfois dans des pays, il y a des gens qui habitent dans des villages ou dans des déserts ou dans des villages ou dans la campagne, ils ont un chef de village ou quoi, et c'est lui qui, ils vont vers lui pour trancher quand ils ont des disputes ou des choses comme ça. Lui, il ne juge pas par la charia. Il juge par son propre jugement ou bien par ses opinions personnelles. Et les gens, ils retournent vers lui ou bien ils jugent par la coutume et la tradition. Ils disent, dans notre tradition, c'est comme ça. Par exemple, ils vont dire, dans notre tradition, la femme, elle n'a pas d'héritage. C'est juste l'homme qui a de l'héritage. Alors que ce sont des musulmans. Et ça, c'est un exemple de quelque chose qui est contradictoire avec la loi d'Allah. Si ils disent notre coutume est supérieure à la loi d'Allah, ça c'est kufr. Akbar. Hein? Donc c'est pas juste des lois des fois qui sont écrites ou quoi. Bon, ça c'est, disons que ça c'était comme l'introduction pour le sujet. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours, inshallah, on va lire les paroles des ulama au sujet des versets qui ont rapport à cette question-là. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Qu'est-ce que les ulama de tafsir ont dit à propos de ce verset? Puis, on va rentrer par la suite dans la fin du qu'est-ce qui est mentionné. Il parle des questions qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara. Et on va rentrer là-dedans. Puis à la fin, on parle de Al-Tashabbuh. Les règles qui ont rapport avec le tashabbuh bil kuffar. Donc, c'est des questions importantes parce qu'il y a eu de l'extrémisme de la part des khawarij au sujet de ces questions-là. Si vous voyez les khawarij, quand ils parlent de ces sujets-là, c'est eux qui exagèrent là-dedans. Ils vont déclarer koufar des musulmans pour des choses qui ne sont pas koufres. C'est pour ça que c'est important de mentionner ces sujets-là. Puis, de l'autre côté, il y a les murji'a, ou bien des ignorants qui vont dans l'autre extrême. Donc, il faut juste comprendre ces choses-là. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة